parle comme si j'étais frustré. Quoi, ça vous frustre pas, vous, de vivre dans une société où les écoles rendent ignorants, où les hôpitaux rendent malades, où le système de justice est malhonnête? J'ai pas de la frustration. La frustration, c'est si vous regardez la définition, c'est quand un besoin n'est pas comblé. C'est pas un besoin pour vous de vivre d'une façon intelligente et harmonieuse. On est sur une planète où il y a des forces qui font en sorte que c'est totalement impossible. C'est-à-dire que si vous vivez intelligemment, ça va tout le temps être en réaction à l'inintelligence du collectif. Puis ces forces-là, on dirait que c'est pour que l'individu se développe, le forcer. Faut qu'il soit forcé, l'individu, à se développer. Puis pour ça, ben, il est mis en mouvement, si on peut dire. Il est mis en expérience. C'est ça, l'expérimental. Pourtant, il me semble que j'ai été quand même clair. Des fois, être ajusté par rapport à ma tante niaiseuse. Des fois, c'est de l'envoyer promener, puis de couper ça là. De la même façon que des fois, être ajusté à du monde que finalement ils confondent le sujet, puis bon, finalement c'est parce que c'est pas constructif. Moi je peux rien faire avec ça, je fais mon possible, mais je suis pas j'ai un gros défaut. Bernard de Montréal, c'était quelqu'un d'extrêmement, comment je pourrais dire ça, il était très courtois, il y avait quelque chose de... Il faisait attention, je veux dire, c'est quelqu'un, bon, c'était pas une personnalité comme moi. Il semblerait que ça avait une certaine importance pour Bernard de Montréal, la perception que le public avait de lui, puisque les gens pensaient de lui, puis il a tout le temps agi en monsieur. Il a tout le temps eu une certaine classe quand même, puis j'ai pas une personnalité comme ça. Je suis pas capable. Comme des fois, ça se peut que, bon, je peux être déplacé, ça peut arriver. Puis, en quoi est-ce que ce serait pas ajusté parfois? Des fois, un esti de cave, c'est un esti de cave. Bon, je le sais souvent intérieurement, ça me dit, il faut juste couper, puis réagis pas, dis rien. Mais je suis pas juste une personne, j'ai une personnalité aussi. C'est comme ça. Puis, bon. J'ai moins de classe un petit peu que d'autres. Puis bon, mais Bernard de Montréal, il y avait de quoi à vendre. Puis moi, c'est pas le cas.